on Radio Dio. Made of stone, where no one can enter, and the dark dreams alone. But now someone's entered, the walls are defied. The shadows they watched while the dark sympathized. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo en ouverture le groupe Savatage avec son album Poets and Mad, même paru au tout début des années 2000, c'était tout juste en 2001. Pourquoi du Savatage ce soir pour ouvrir Overdrive? Parce que John Oliva a dit qu'il serait ouvert à une tournée de reformation et d'adieu du groupe. Un groupe malheureusement qui nous a rien offert de grand, si ce n'est cet album bien entendu, depuis le début des années 2000. Winger pour débuter Overdrive avec le quasi line-up en intégralité. Kip Winger toujours, Red Beach à la guitare, sorti sur Frontiers Records, leur 7e album qui s'appelle Seven, pour débuter Overdrive. Voilà pour le groupe Winger Desperado, sorti sur le label Frontiers Records. Et on va rester sur la maison italienne maintenant avec le groupe Sweet and Lynch, donc Michael Sweet de Striper et George Lynch de Lynch Mob et Dokken nous reviennent ensemble. Ils en sont à leur troisième album, il me semble, donc à la fois du hard rock, des parties également de chœur assez importantes, le jeu de guitare absolument faramineux d'un certain George Lynch. Voilà, que demande le peuple. Miracle, tout de suite par Sweet and Lynch. Vous écoutez bien sûr Overdrive Radio Duo. Ce soir, dans Overdrive, j'ai la chance d'avoir le groupe Eric Cross qui nous présente son premier album complet qui voit le jour aujourd'hui même du côté de la Clonosphère. Ça s'appelle The Window et Envy Overs. Donc Adrien et Letty, déjà, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous êtes bien au bout du fil? Ouais, c'est nickel. Ouais, on est là, salut. Eh ben, merci à vous. J'ai quasiment le groupe en intégralité ce soir. Donc là, c'est une grosse presque exclusivité. Je sais pas, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Vous nous sortez là une musique, bien sûr, d'influences diverses et variées. Mais à mon sens, on retrouve un gros son rock, bien sûr, alternatif avec des influences des années 90, et puis en même temps une certaine ambiance cinématographique et ambiance d'une musique presque ambiante qui vient se raccrocher par-dessus, grâce notamment à la voix de Letty qui nous transporte un petit peu. Donc, alors, comme je le disais, il s'agit de la sortie de votre premier album. Néanmoins, plusieurs des morceaux, notamment le début du disque, la partie The Widow, a déjà été publiée il y a de ça quelques temps. Donc, est-ce que tu peux revenir sur la genèse de cet album? Est-ce que vous pouvez plutôt revenir sur la genèse de cet album? Bah, écoute, en fait, nous, on était partis à la base sur un EP. Sur le début du projet, on était parti sur deux EP et on avait décidé de sortir le EP1 et EP2. Donc le EP1, c'était The Widow, qui est sorti en, tu me rappelles, Letty? 2020. Et, le 11 juin 2020, voilà, c'est ça. Et mais comme tous les morceaux avaient été composés, on savait qu'on allait sortir un EP2 dans la foulée. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est que à la sortie de l'EP2, on avait sorti l'EP1 et l'EP2 dans un même album. Donc l'EP1 s'appelle The Widow, l'EP2 s'appelle The Other. Et donc on a décidé de sortir les deux en même temps et de l'appeler The Widow and The Other. Et justement, alors le choix de l'album complet, c'est parce que vous êtes attaché au format. Alors moi qui ai la chance d'interviewer de nombreux groupes français, on voit de nos jours que le format EP revient, on va dire, très régulièrement de nos jours, puisqu'il permet en fait à des formations d'avoir une actualité qui est plus régulière, avec un calendrier de sortie qui est plus régulier et qui permet justement de peut-être capter plus facilement l'attention du public. Est-ce que c'était un choix réfléchi, une volonté de garder justement le nom du groupe présent et puis de satisfaire un peu la curiosité des gens, parce qu'on le sait tous, hein, on a un double album, c'est difficile de garder son attention sur un double album de quasiment 2 heures. Du coup, forcément, il y a certaines chansons qui ne pourraient pas avoir le succès que l'on aimerait. Bah en fait, c'est pas forcément quelque chose de calculé, c'est pas quelque chose de qui vient de la communication, c'est plus quelque chose qui vient de l'envie vraiment artistique. C'est-à-dire que avec Letty, on a travaillé sur l'ensemble des morceaux et on a vraiment décidé de sortir 6 morceaux d'abord qui étaient vraiment bien travaillés, en sachant qu'on allait travailler d'emblée direct sur les 6 autres morceaux. En fait, c'est plus une cadence de travail qu'un objet de communication, si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, justement, tu nous l'as dit, la genèse du groupe, c'est les années 2020-2021. Est-ce que vous avez justement profité d'un peu de temps supplémentaire, temps libre, je ne sais pas, mais en tout cas du temps qui a été dégagé lors des confinements et de la pandémie pour justement lancer ce nouveau projet et se faire plaisir d'un point de vue créatif? Oui, disons que ça a été à la fois une malédiction et une bénédiction, le Covid, parce que on voulait sortir l'EP un peu plus tôt à la base, et il y a eu ce confinement-là, donc on a été un peu retardé partout, et puis moi j'ai eu malheureusement un décès dans ma famille, mais qui m'a permis après d'écrire des super morceaux également, donc je pense que toute malédiction a un côté bénédiction quelque part. Mais c'est vrai que pendant le confinement, on a bien profité des autorisations de sortie pour s'enfermer tous les deux et enregistrer ce qu'on avait déjà fait et puis bosser sur les nouveaux morceaux, quoi. Et c'est vrai qu'on a une façon de travailler, on bosse chacun de notre côté d'abord et après on se rejoint pour l'enregistrement ou pour des petites sessions ensemble où ça commence à prendre forme, où il y a des choses qui changent à la fois dans mes compos de lignes de chant et des fois dans tes compos aussi, on s'adapte l'un à l'autre en fait. On se laisse beaucoup de champ libre au départ et après, on partage nos idées communes et on voit ce que ça donne après quoi. C'est vrai que le confinement, ça a quand même, ça nous a permis de prendre un peu plus de temps, on va dire. Mais bon. En réalité, on avait fini. Le samedi soir, on avait fini les prises de chant. Oui, c'est vrai. Et le lundi, on était en confinement. D'accord. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, bon, on a. C'est vrai qu'on a profité un peu du confinement. On s'est quand même vu. Hein, c'était professionnel. Donc, ouais, coup, on était à moins d'un kilomètre. Donc, voilà. Et donc, du coup, moi, ça m'a permis, en fait, si tu veux, de mixer au moins le premier EP pendant la période du confinement, quoi. Et justement, comment est-ce que vous avez procédé? Est-ce que vous êtes envoyé des fichiers, des maquettes pour travailler à distance et ensuite, lorsque vous vous retrouvez, remettre ça en commun et essayer d'affiner justement, ou vous partez toujours d'une feuille blanche à deux pour avoir une composition peut-être un peu plus organique? Non, là pour cet album-là, je suis parti de mes idées. En fait, quand j'ai proposé le projet à Laetitia, j'avais déjà composé, je vais pas dire mon premier album, mais... Tu m'as dit, est-ce que ça te dit de monter un groupe? J'ai dit, ouais. Tu m'as dit, tiens, je t'envoie 6 morceaux. Il avait quand même fait le premier EP. Hein. Le traître. En gros, c'est ça. j'avais déjà, non pas des morceaux finalisés, mais en tout cas des pistes pour pouvoir... le premier EP était déjà un peu avancé. Avant que je demande à l'équipe de travailler avec moi. Mais en règle générale, oui, on travaille plutôt, enfin, moi en tout cas, je travaille plutôt tout seul dans mon coin à produire des maquettes que j'envoie à l'équipe et elle réfléchit dessus. Et comme on est pratiquement voisins, elle revient régulièrement à la maison de manière à ce qu'on discute, on voit ce qui se passe, on voit ce qui peut changer. Et voilà ce que je te propose, etc., etc. Et du coup, on module l'ensemble de la composition de cette manière-là. J'imagine qu'il y a dans ce format un petit peu de duo, même si on ne peut pas vraiment parler d'un duo, à mon sens, pour Ray Cross, puisqu'on a quand même de fantastiques parties de batterie. On pourra revenir d'ailleurs dessus. Je pense que la relation entre tes compositions et la voix et les idées, justement, de ligne vocale de Letty sont le ciment de la formation, à mon sens. Oui, complètement, oui. Et alors maintenant, d'un point de vue justement de vos influences, est-ce que vous partez justement du même point de départ tous les deux, ou est-ce que vous apportez chacun, on va dire, votre lot de d'expérience musicale? On sait tous, Adrien, que tu as participé à plusieurs formations françaises renommées, comme Acrid ou Carpathian Brut. Pour Letty, je suis moins au courant. Néanmoins, vous devez certainement apporter votre personnalité musicale, vos expériences et vos inspirations. Donc, comment elles se divisent, d'une certaine façon? Alors, c'est moi qui vais répondre, c'est la noble qui va répondre. moi, j'ai une formation, la seule formation que j'ai fait juste un concert dans ma vie en jazz. Et c'est la seule scène vraiment que j'ai faite dans ma vie de tous les jours. Mais j'ai un amour immodéré pour la musique, qui va de la musique classique jusqu'au black metal, voire pire. et Adrien est très axé 90. Il aime beaucoup. Enfin, quand il m'a vendu Eric Cross, c'était un peu ça. Mais moi, j'ai des côtés très années 80. Et des fois, on se prend un peu le chou parce qu'il déteste les années 80. Mais du coup, c'est vrai que je peux pas m'empêcher de me dire que notre son, en fait, il y a tellement de mélange. C'est même pas, je peux trop dire que c'est inclassable. Mais il y a tellement d'inspiration. Moi, ça me fait, on nous le dit très souvent, il y a beaucoup d'inspirations différentes, quoi. Et d'un morceau à l'autre, il y a des côtés très disco, il y a des côtés très balade, Peaky Blinders, il y a des trucs un peu plus trippés comme The Others ou celui-là. Enfin voilà, oui. Pour le coup, j'ai pas mal composé sur la voix avec un looper. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, mais ça m'a éclaté toute une après-midi. Et voilà, c'est des trucs que moi aussi je découvre. Donc oui, il y a certaines influences, mais moi je suis un bébé, donc j'ai tout à découvrir encore. Donc je pense que ça va être encore mieux sur le deuxième. Ben, en tout cas, ce qu'on peut dire, Letty, c'est que même si tu as peu, on va dire, comme tu le dis, d'expérience musicale, tu as une maîtrise de ta voix qui, à mon sens, force le respect. Et j'imagine qu'il a dû séduire Adrien pour te proposer ce projet. Là, tu arrives à développer, à mon sens, tout un univers avec ta voix, par-dessus, bien sûr, vos compos, justement. Ouais, je suis très contente d'avoir chanté un peu bourré dans son salon pendant toutes les années. Alors là, je vous propose de passer un premier morceau pour ce soir. Ouais. Avec le morceau titre justement de la deuxième partie de l'album, on peut ne plus dire à mon sens deuxième EP, mais vraiment deuxième partie de l'album, qui est le morceau titre The Others. Alors pourquoi ce choix et qu'est-ce que justement il représente ? Alors, mais c'est le fameux morceau dont je parlais que j'ai composé. Adrien m'avait envoyé la base musicale. Et j'étais avec ma superbe prof de chant, Martine, je lui fais un coucou si elle m'écoute, et elle avait un looper. Et elle a branché ça, et j'ai fait des impros, en fait, avec ma voix. J'ai fait des couches de voix, parce qu'à l'époque, je suis une gameuse, je joue à un jeu qui s'appelle Senua's Sacrifice, qui a été fait... avec une particularité qui a été faite avec des gens qui ont des hallucinations auditives, et donc qui en se jouant au casque, t'as des voix parasites, en fait, qui se créent, certaines qui te motivent, d'autres qui t'empêchent d'aller dans certains endroits du jeu, et c'est hyper réaliste. Et moi, comme je suis quelqu'un de très, très angoissé, j'ai pas mal de traumas de l'enfance, c'est un peu ce que je ressens quand je fais des crises d'angoisse. C'est pas physique, mais j'ai comme des voix, en fait, qui m'empêchent de faire des choses. Et du coup, j'ai composé là-dessus. À cette époque-là, j'étais d'ailleurs en train de regarder le film The Others. Et du coup, j'ai essayé de trouver un titre. Et du coup, ça a été The Others, spontanément, parce que je regardais le film. Mais ouais, c'est toutes ces voix parasites qui m'empêchaient d'avancer au quotidien, vous faire des crises d'angoisse de temps en temps quand je sors dans la rue ou je l'ai créé comme ça en m'amusant, et en fait ça a pris son sens après sur la longueur, quoi. Et ben, ça va, voilà. Ça tout de suite, une partie du groupe peut-être un peu plus dark, justement, sur The Widow and the Others. Ça voit le jour aujourd'hui même du côté de la clonosphère, disponible également, j'imagine, dans toutes les bonnes crèmeries, qu'elles soient physiques ou alors numériques. Eric Cross, The Others, avec The Widow and the Others. Ha! Yes, Eric Cross, The Others, beat électro, dance floor dansant, des guitares saturées et des voix éthérées par-dessus. Donc Adrien Letty, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes toujours à l'autre bout du fil dans l'ouest de la France? C'est bien ça? Tout à fait. On a posté, on est vous, bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous fêtez un petit peu la sortie justement de l'album ce soir? Ouais, un petit peu, ouais, voilà, tu vois, on est tous les deux dans mon studio, en fait, et ouais. Ouais, on boit un petit coup de vin. Voilà, on boit un verre pour la sortie de l'album, ouais. Ouais, il faut l'arroser quand même, c'est pas quand même tous les jours qu'on sort un album, et surtout pas de cette qualité. Eric Cross, The Widow and The Others, vraiment un superbe boulot. Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu justement sur l'aspect un peu plus conceptuel qu'on retrouve derrière le projet, derrière le groupe, à la fois dans les vidéos que j'ai pu voir, dans les titres également des morceaux qui sont parfois assez énigmatiques, et puis dans la pochette, on ressent de nombreux symboles et différentes choses qui ont voulu être véhiculées. Donc, est-ce qu'il y a un concept derrière tout ça qui est une trame précise? Et s'il n'y en a pas, quels sont-ils au pluriel? Alors, en fait, si tu veux, quand on a fondé le groupe, moi et Letty, on avait une volonté un petit peu, si tu veux, de alors, non pas de parler, mais au moins d'afficher un aspect un peu féministe. Donc, on a tout de suite pensé aux sorcières, parce que, bon, voilà, par plaisanterie, souvent, je traitais... C'est pas le seul. Letty de sorcière. Et en même temps, l'aspect de sorcière me passionnait énormément. Aussi bien le côté sorcière... un peu mythologique du Moyen-Âge que du côté sorcière un peu moderne. C'est-à-dire ces femmes qui... ne rentrent pas dans le rang, en fait, tout simplement. En marge, qui étaient libres, qui disaient ce qu'elles voulaient. Et nous, c'est quelque chose qui nous liait, d'une certaine manière, parce que moi, je suis féministe, et Letty évidemment est féministe. Et donc, du coup, on a eu l'idée de triper, si tu veux, autour des sorcières. Donc, c'est pour ça que R et Cross, en fait, si tu veux, en anagramme, c'est sorcière. Oh, d'accord. Et en fait, tout notre esthétisme et tout notre leitmotiv, en fait, vient de là. Des sorcières, des femmes libres, des... Là, tu vois, on parlait de tout à l'heure des Yozers, le morceau, ces fameuses voix-là qui t'oppressent, t'obligent à être ce que tu dois être en public, que ce soit belle et tais-toi, etc. Parle pas trop fort, calme-toi. Voilà, exactement. Et donc, du coup, ça a été notre petite motive à tous les deux. Ça a été. C'est évident, ouais. C'était assez naturel. Et je pense que c'est. Une thématique qui peut nous fournir un maximum de possibilités. Oui, puisque j'imagine qu'on peut aisément tourner ça sous différentes facettes. Ah bah oui, comme tu l'as dit, il y a le côté également mystique, mais il y a également le côté liberté. Et puis, on va dire... la liberté d'être soi-même, de dire ce que l'on veut, d'être qui on a envie d'être et qui on est au fond de soi, et pas forcément ce que la société veut que l'on soit ou nous renvoie, tout simplement. Tout à fait. Bah, t'as extrêmement bien résumé la chose. T'as tout compris. Donc, oui, et puis, alors, je vous avais déjà fait, à l'époque du premier EP, un clip sur le morceau « Here I am, far away », c'était bien ça? Oui, tout à fait. Premier titre de l'album. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir justement sur cette vidéo? Quand est-ce qu'elle a été réalisée? Et justement, quel était un petit peu le concept derrière? Puisqu'on te voyait justement Letty la grimer un petit peu de manière un peu sombre là aussi. Alors, gérer ce clip, alors, ça a été plus compliqué que prévu, puisque Covid, voilà, la malédiction du Covid. En fait, on a des potes qui sont installés à Détroit, les frères de Caillon, que Adrien connaissait bien avant moi, mais que je connais quand même depuis un certain temps, surtout Ben. C'est vrai que j'adorais leur clip, ils avaient fait certains clips de Carpenter, enfin, j'avais bossé avec eux comme figurante sur un clip de potes. Ouais, et ils ont fait des films, ils ont fait voilà, enfin bref, et c'est vrai que c'était un peu, enfin on avait envie de marquer le coup sur la sortie de l'EP, et moi je voyais pas, enfin on en avait discuté et pour nous c'était une évidence que ça soit eux. Et en fait ils sont basés à Détroit maintenant. Ah oui. Et à la base moi j'étais trop contente parce que je me suis dit bah, c'est bon, je vais pouvoir me barrer, je vais aller avec eux tourner là-bas, et donc Covid, donc du coup on a dû faire deux tournages différents, donc il y a un premier tournage à Détroit et un deuxième tournage un mois ou deux après à Paris en janvier. On a pris le même matos pour être raccord. Donc toutes les prises de vue avec moi, elles sont faites à Paris. Tout le reste est fait à Détroit. D'accord, donc c'est quand même une certaine logistique, j'imagine. Ouais, mais c'était vraiment chouette. J'ai vraiment regretté de pas pouvoir aller là-bas et voilà, rencontrer les gens qui ont bossé sur notre clip. Ça a été un peu un petit peu un crève-cœur, mais ça a été, oui, c'était une expérience assez particulière. Ouais. Et justement, est-ce que vous avez d'autres projets pour mettre en avant maintenant la sortie du premier album, avec justement la deuxième partie ? Bah écoute, on a filmé une live session il y a 2 ans. Et il y a The Other, déjà, qui a été clippé. On a fait le choix, en fait, de ne pas faire un clip. On a fait le choix de faire vraiment un live session, c'est-à-dire tout est en live. Tout est en live. Voilà, on n'a pas voulu faire. Non, on est vraiment dans une salle où c'est enregistré en live. D'accord. Parce que du coup, Eric Ross, c'est un peu un enfant du Covid. On a été bloqué de partout, en fait, si tu veux, en ce qui concerne les sorties, les lives, les trucs comme ça, et ça a été très compliqué pour nous d'exister en fait pendant cette période. Donc en fait on a décidé de on a décidé de faire un live dans une salle et de une salle un peu particulière, une sorte de blocos, et de filmer à peu près c'est une heure de set, peut-être 50 minutes. Ouais, 50 minutes. Et là, ce qui est en ligne, c'est il y a le morceau The Others, donc pour la sortie du single. Et très bientôt, il y aura l'ensemble du live session qui sortira pour promouvoir l'ensemble de l'album, en fait. Ok. Et justement, alors sur cette heure de set, est-ce qu'on trouve d'autres morceaux qui ne sont pas sur cet album pour combler. Oui, il y a une reprise. Une reprise ? Il y a une reprise, inattendue, une reprise de Yodelis. Oh. Ah oui. Voilà, et exactement, c'est mon fils qui était extrêmement fan de ce morceau-là. C'est un morceau qui s'appelle Fade Away. Ouais. Et comme on cherchait une reprise un peu inattendue, ou parce que évidemment reprendre un classique de l'alternative des années 90 aurait été un peu trop attendu, on a cherché quelque chose qui nous correspondait et qui surprendrait un petit peu et qui s'adapte également à votre style, j'imagine. Complètement. Puisque la reprise a été, à mon sens, remaniée. Enfin, je ne l'ai pas entendu, mais... Exactement, bah, tu vas l'entendre dans pas longtemps. Ok, bah j'attends ça avec, avec impatience. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est de, justement, on en parlait, hein, difficile de se produire sur scène et surtout de lancer un nouveau projet dans les années 2020, 2021 et 2022, ou début 2022 en tout cas. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle pour Eric Cross? Quels sont les projets? Et est-ce que, quelle est la volonté derrière le groupe, plutôt de rester, on va dire, un travail de studio, hein, ce qui est là aussi complètement valable, puisqu'on peut développer beaucoup de choses comme ça. Ou alors, est-ce qu'il y a la volonté de parcourir un petit peu les routes et de rencontrer le public? Écoute, pour l'instant, c'est vrai qu'on a été pas mal bloqué par... 2 ans de retard de concert. Et donc, voilà, en fait, très grossièrement, il y a eu un embouteillage. Ouais. Très clairement, c'est-à-dire que tout le monde a été bloqué pour faire des concerts. Et quand ça a été débloqué, tu sais quoi, même Madonna, même U2 étaient pressés d'aller sur la route. Donc, nous, dans ce jeu-là, du coup, on a été un peu bloqué. Donc, nous, on a attendu un petit peu et à ce qu'il pourrait... passé, on devrait tourner a priori en décembre. Et alors, c'est évidemment à confirmer, parce que c'est un peu compliqué, c'est un problème au niveau des salles, etc. De planning. Voilà. Mais Eric Ross n'est pas destiné à être un projet de studio, est destiné à être un projet de live, parce que plus de 2 ans qu'on travaille de manière assez acharnée d'ailleurs, en répétition, etc., etc., on est prêt. Donc, a priori, en décembre, il y a une tournée qui devrait se lancer. Oh, super, super. Et justement, plutôt en première partie, tête d'affiche, comment est-ce que vous abordez la chose? Pour l'instant, on prend la chose de manière plutôt cool. En fait, on s'en fiche. oui, voilà, c'est ça. A priori, en décembre, ça serait plutôt pour soit du headlining, soit du co-headlining. Ok. Oh, mais ça devrait être super, en tout cas. Ouais. On espère. Et maintenant, comment est-ce que tu arrives à conjuguer ça avec ton autre projet musical qui est lui aussi bien occupé? Ah ben, voilà. T'as tout compris. C'est très compliqué. Là, en ce moment, là, c'est vrai que je suis pas mal sur... on va être pas mal sur Carpenter à la rentrée. Mais bon, ça, c'est la vie d'un musicien, en fait. C'est d'essayer de conjuguer les différents projets et les différents plannings. Donc, je sais que j'ai une tournée avec Carpenter en octobre-novembre, et donc j'aurai une tournée avec Eric Ross en décembre. Ok, oh bah ça devrait être cool, comme ça tu perds pas la main en tout cas. Oui, ça joue, je fais toujours le même instrument, donc c'est vrai. Alors maintenant on va passer à un deuxième extrait de Widow and the Overs par Eric Ross ce soir, ce sera The King's Death. Alors, on ne va pas souhaiter la mort du roi Charles qui sera couronné demain. Je ne l'ai pas fait pour lui. Hein. Promis, je ne l'ai pas fait pour lui. Mais est-ce que vous pourriez quand même développer justement les paroles et puis le morceau? Alors, c'est un morceau très personnel pour moi. Mais en gros, ça parle des gens très privilégiés qui abusent un peu de leurs privilèges. Et qui se cache derrière beaucoup de choses, derrière des lois, derrière des subventions, derrière plein de choses, et qui arrive à nous entourlouper. Donc voilà. C'est surtout les gens un peu privilégiés qui oublient qu'ils sont privilégiés. C'est qu'il y a des gens un peu moins privilégiés qui les ont mis à cette place-là. Voilà. Ok, alors merci Letty, merci Adrien pour ce soir, pour l'interview. Merci à toi. King's Death, extrait justement de The Widow and the Overs par le groupe Ray Cross, ça sort sur la Clonosphère. C'est disponible un peu partout, à la fois, comme je l'ai dit, dans les bonnes crèmeries numériques ou physiques. Merci à vous. On espère vous voir bientôt du côté de Saint-Étienne ou Lyon. Alors, Saint-Étienne. Je suis sûr que vous êtes Saint-Étienne. Ma mère est née à Roche-la-Molière. D'accord, ma grand-mère y habitait également, il y a de ça quelques années. Là, je connais bien. Oui, ben la, la radio est basée sur, sur Saint-Étienne et émet sur la bande FM de la région et puis également sur le streaming. En, Nous sommes en vivant à la Loire, alors. Ah, bah écoute, moi j'habite Saint-Galmier. Ah, voilà, c'est vous saurez tout. En voilà, tout cas, merci à vous. On va lancer la musique tout de suite, puisque j'imagine que tout le monde a envie d'entendre ce morceau, The King's Death, par Eric Cross. Encore une fois, merci à vous, c'était vraiment super cool. Et on espère avoir la suite pour très bientôt. Merci. We'll be right back. Yes, yes, Eric Cross, encore une fois, un grand, grand merci à Lady Adrien pour la chouette interview ce soir. Jetez-vous sur The Widow and The Others, le premier album du groupe sorti aujourd'hui même sur la Clonosphère. Maintenant, du heavy metal pur et dur avec le groupe Enforcer qui sort sur Nuclear Blast Nostalgia. Donc le groupe avait en 2019 sorti l'album Zenith, un album qui se voulait un petit peu plus mélodique. Le groupe suédois tentait d'atteindre le hit. Les fans de heavy metal speed du groupe n'ont pas vraiment apprécié l'initiative de faire évoluer le son du groupe. Et même si on retrouve bien sûr toujours ce côté mélodique, les Suédois remettent un coup de collier et retrouvent les speederies qui ont fait leur succès. Nostalgia tout de suite par le groupe Enforcer. Out! Dave Lombardo, petite interlude de percussion. Dave Lombardo, extrait de cet album Rites of Percussion, premier album purement solo pour l'ancien batteur de Slayer. Voilà, qui fait plaisir à entendre. Malheureusement, Dave Lombardo ne sera pas sur la scène du Transborder de Lyon le 30 mai prochain, le Testament. Il a été remplacé par un jeune très bon batteur. Voilà, son emploi du temps ne lui permettait plus de jouer avec le groupe de la Bay Area. On retrouvera sur cette date du 30 mai prochain Exodus, Voivod et Testament. Ça devrait malgré tout rester une bonne vieille fête de trash comme je les aime. Elven King dans Overdrive avec Readers of the Runes Rage. Sur Overdrive pour les amateurs de Metal King. Oh! Alvin King avec son dernier album sorti sur AFM Records, The Readers of the Room, The Rapture. Et on va revenir sur MNO Music, le groupe français Storm Heaven, Blind Side, une superbe pochette et le contenu n'est pas moins excellent. MNO Music, comment le ce groupe Blind Side, grosse majeure partie de morceaux longs, voire très longs, comme le dernier Dominion qui dure bien 24 minutes. En tout cas, ce sera une jolie plage musicale avec Shadow Walker qui nous fait voyager différentes ambiances. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. 22h47 dans Overdrive, c'est au tour du Death Metal pur et dur avec The Highest Level qui sort sur Season of Mist. Du son très lourd et très grand avec un petit côté old school qui passe bien. Fabrication, initiation, self-dividing, systematic chaos, corruption, and acquisition. A car unnoticed, methodical scenario. Silent invasion, overridden in a blink of dispensation. Oh. Escoblast. Voilà, on revient là-dessus avec ce morceau Barrio tout de suite. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo, des 22h passées de 52 minutes. Tengo el apoyo de todo mi rancho. ¡Valeros a tener! Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Dio. On remercie encore une fois Eric Ross, l'interview du jour, pour la sortie de leur superbe album The Widow and the Others. Également pour l'interview ce soir, on se quitte au son de Vorna qui nous sort cet album Harmona Croy sur Life Force Records. Très bon son si vous aimez métal nordique. On rappelle le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdrive Radio Dio pour retrouver toutes les nouvelles concernant Overdrive et Radio Dio. Également retrouver les podcasts des émissions et la page Instagram également Overdrive Radio Dio. Merci, je vous remercie. Passez un agréable week-end. Écoutez beaucoup de musique. Ciao, bye bye.